Cela faisait 3 jours que le loup ne s'était rien mis sous la dent. Aussi avait-il grande envie de la dévorer. Avec son air le plus hypocrite, il lui demanda « Et elle habite loin, ta grand-mère ?»« Oh oui, sa maison est de l'autre côté de la forêt. » « Tu sais, moi aussi, j'aimerais bien rencontrer ta grand-mère, » fit le loup. « Si tu veux bien, j'emprunterai ce chemin-ci et toi ce chemin-là. Et nous verrons bien qui de nous deux arrivera le premier. »« D'accord, » répondit la fillette, oubliant toute prudence. Sans plus tarder, le loup, qui connaissait la forêt comme sa poche, prit le chemin le plus court et se mit à courir à toutes jambes. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge gambadait tranquillement sur son long chemin qui comprenait de nombreux détours. Et comme la journée était belle, elle s'amusait à cueillir des noisettes, à faire des bouquets de petites fleurs et à attraper des papillons.